t'as donné signe de vie avant 14h, mec, parce que je vais débarquer chez toi. Si la porte est fermée, je la fais défoncer par les pompiers. Et moi, je leur paye pas ta putain de porte.